À l'occasion des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, des conférences, entretiens et séances de lecture ont eu lieu au Bangladesh, en Iran, en France, en Roumanie, en Mexique, en Tanzanie, en Guinée, en Zambie, en Angola et au Nigeria, en présence des personnalités de divers milieux et d'autres habitants. Les orateurs ont souligné que la vie révolutionnaire du président Kim Il-sung était une vie du grand homme peu commun consacrée pour l'indépendance du pays, l'édification socialiste en Corée, la réunification nationale et l'émancipation du monde, et qu'il reste toujours dans le cœur du peuple coréen et des autres peuples progressistes du monde, comme le soleil du Jutsé.